Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast quasi-mensuel de La Cellule. Aujourd'hui, les créateurs de Sens Hexalogie ne sont pas là, mais on a réuni du beau monde, une fois encore. Fabien Ilvine est avec nous, Frédéric Saintès. Salut. Et Christophe Beuclay. Adieu. On ne change pas une équipe qui gagne. La dernière fois, on vous avait parlé du Big Model. Aujourd'hui, on va s'apesantir sur une partie en fait, de notre podcast qu'on a un peu éludé, mais qu'on voudrait développer maintenant. C'est la scénarisation. Et ici, on a un expert, Frédéric, qui, est vraiment, qui a fait quand même pas mal d'articles. Je suis désolé. Expert, ouais. Ah ouais, bon, d'accord. Je ne me considère pas comme tel, mais non, en tout cas, j'aime réfléchir sur le sujet, c'est sûr. Clairement, tu as quand même pondu pas mal d'articles à ce sujet. Mmh, ouais. Alors, la scénarisation, c'est quoi, Frédéric? Alors, c'est un mot, encore une fois, relativement ambigu, comme beaucoup de termes employés dans le milieu rôliste. Ouais. En fait, on parle de scénarisation pour tout ce qui est préparation de partie. Voilà, ça incombe en fait au MJ, mais moi j'ai un avis un petit peu plus large sur le sujet. Et surtout, je trouve que ça pose problème parce qu'en fait, on a comme référent dans le milieu de la fiction, on a uniquement des médiums linéaires, c'est-à-dire cinéma, télévision, série, donc roman, etc. Alors que ouais. Le jeu de rôle, par définition, est quelque chose... qui est interactif et donc qui produit des histoires, qui peut permettre de produire des histoires non linéaires. Ouais. Enfin bon, on va développer ça. Les personnages sont beaucoup plus libres en fait. Voilà, on a des joueurs qui ont la possibilité de faire des choix. Ces choix, en tout cas à mon sens, devraient aider à modifier l'histoire. Ce que tu dis déjà de base, j'ai l'impression, c'est qu'en fait, les choses dont les rôlistes, enfin les ressources culturelles dont les rôlistes s'inspirent pour créer leur scénario n'est peut-être pas adapté au médium qu'est le jeu de rôle. Oui, alors bien sûr, il y a des tonnes de manières de s'y prendre. Il y a beaucoup de MJ qui ont leurs propres techniques, qui peuvent être très bonnes d'ailleurs. Hein. Mais voilà, souvent... moi, ça, pendant des années et des années, je me suis inspiré des films que j'aimais, des livres que j'aimais. Et j'ai écrit des scénars qui étaient extrêmement linéaires. Rien que le terme scénario, en fait, ça pose problème, puisque le scénario au départ, c'est un truc qui vient, me semble-t-il, du cinéma, et dans lequel, c'est un document dans lequel on dit, voilà, le héros fait ça, il dit ça, ensuite il va à tel endroit, il rencontre ça, tel personnage. Alors que pour le jeu de rôle, d'après ce que tu vas nous en dire, je crois, ça se passe pas du tout comme ça. Non, en effet. Souvent, la question, moi, une question que je me suis posée à un certain moment, et d'ailleurs, un ami, Gaël, disait ça aussi, il disait, pourquoi est-ce que dans le jeu de rôle, on est la majeure du temps, on n'est pas le protagoniste? Donc, protagoniste, c'est celui dont le combat est le premier, celui que le personnage, que le spectateur va suivre en priorité. Étymologiquement, tu veux dire protagoniste. Voilà, ouais. Exactement. Et au final, d'après les réflexions qui ont été faites autour, le protagoniste dans une œuvre de fiction linéaire, c'est celui qui souffre le plus. Donc, par compassion, le spectateur va s'identifier à lui. D'accord. Alors, en jeu de rôle, c'est quelque chose de bien plus compliqué, mais on ne va peut-être pas aborder ça dans les détails. Donc, une histoire, c'est... est construite et modelée par les actions du protagoniste. D'accord. Donc ça, c'est les définitions qu'on va rencontrer dans les bouquins de dramaturgie. En préparation de ce podcast, Christophe, tu disais, moi, le scénar, ça... qu'est-ce que tu penses de la préparation, de la scénarisation en général? J'ai l'impression que tu disais que ça te cassait les pieds. Ouais, je crois qu'on peut dire ça. Pour rester poli. C'est rare que j'aime passer plus d'une demi-heure à préparer une séance de jeu de rôle, on va dire ça comme ça. Donc, pourtant c'est, c'est ce que font la plupart des maîtres de jeu. Oui, d'accord. Mais enfin là, je parle juste de moi, parce que voilà, moi ça me casse les pieds effectivement. De la plupart du temps, il y a toujours des exceptions. Tout d'un coup, je veux développer un monde et puis voilà. Bon, là ça, c'est, là je le ferai aussi parce que ça me servira pour plus qu'une partie, mais. Ouais, c'est mon objectif en général, c'est de ne pas dépasser la demi-heure de préparation, parce que ça me prend la tête, quoi. D'accord. Et qu'est-ce qui te pose problème dans la scénarisation? C'est pas jouer. Moi, je veux jouer, je veux pas passer du temps à préparer. Si, c'est jouer, mais c'est, on verra ça. Non, je veux pas. Ouais, moi, je considère le jeu comme étant le moment à partir duquel on est tous réunis avec Blam, on y va, on balance la purée. Ouais. On lance la pop. Ouais. Mais je crois que c'est pas plus profond que ça. Ça me... Je suis un fainéant. Je suis un gros fainéant. Non, c'est vrai quoi. J'ai pas envie de me prendre la tête à préparer trop longtemps. Mais c'est pareil. Donc hier soir, on a eu l'occasion de faire une partie ensemble, tous les deux. Et tu disais à un moment donné, alors je sais plus si c'est dans un intermède où tu disais, moi quand il y a un scénario, je me sens perdu ou je suis pas efficace. T'as dit ça à un moment donné. Ouais, alors là c'est en tant que joueur. C'est vrai que j'aime pas. Ouais, j'aime pas devoir suivre des, comme le petit pousset, des petites pierres, puis trouver un chemin déjà pré-tracé à travers. À travers un monde, faire du lèche-vitrina, regarder ce magnifique lieu, regarder ce personnage, comme il est beau, comme il est fort, comme il est torturé, comme il est... Lèche-vitrine, c'est un super concept. Moi, j'ai un peu le même, le même problème. J'ai entendu plusieurs fois des meneurs me dire « Non, mais chez moi, les joueurs ont une vraie liberté, tout ça. » Et en fait, effectivement, on était dans une pièce close, on avait une vraie liberté, mais tant qu'on n'avait pas soulevé le tapis sous lequel il y avait l'indice, on pouvait tourner en rond à l'infini, il n'y a rien qui avançait. Voilà. Finalement, à quoi bon être libre de créer des choses qui n'ont aucune importance, en fait. Voilà. Alors, ouais. Le mot est lâché. Voilà, parce qu'en fait, Frédéric, c'est vraiment à partir de ce genre de réflexion que toi, ta réflexion est née, c'est-à-dire que t'as constaté ça en tant que joueur, en tant que maître de jeu, voilà. Tous les problèmes que signale un peu Christophe, les problèmes de lèche-vitrine, les problèmes de soulever le tapis, comme dirait Fabien. Alors justement, où est-ce qu'elle t'a amené cette réflexion? Est-ce que tu y as répondu? Alors en fait, franchement, quand je joue une partie de jeu de rôle, même si le MJ est formidable, excellent, un bon acteur, un bon metteur en scène, un bon scénariste, qui a toutes les qualités du monde, quoi. Eh bien, je trouve ça faiblard en général. Ouais. Je trouve ça faiblard, je préfère lire un bon bouquin. Parce que le mec a le temps de travailler le moindre mot, la moindre phrase. Ça me subjugue quand je lis un bouquin, quand je regarde un film. Voilà, il y a les images en plus, il y a la musique. Je suis pris dedans, j'ai envie de chialer, etc. Mais en jeu de rôle, même si le MJ, les meilleurs MJ que j'ai vus, ils ne font pas le même effet émotionnel. Ce que je remarque, c'est que c'est dans l'interactivité qu'il y a une véritable possibilité pour le joueur de s'impliquer, en réalité. Je suis de ceux qui pensent que l'immersion est favorisée par les enjeux créatifs des joueurs. D'accord. Donc, plus les joueurs vont être amenés à créer, plus leur immersion sera grande. Voilà, alors quand je dis créer, c'est à la fois avoir la possibilité des fois d'inventer des éléments. Ça peut être leur personnage, inventer leur personnage, bien entendu, mais ça peut être aussi parfois être amené à inventer des morceaux d'univers. Ça peut très bien être, j'ai des pouvoirs de création, je crée un château. Ben voilà, si quelqu'un explore le château, c'est moi qui vais décrire ce qu'il y a dedans. Ça peut être des choses comme ça. D'accord. En fait, j'aime bien parler de potentialité. Alors, définir ce mot en premier lieu, la potentialité, c'est ce qui existe en puissance. Ça veut dire ce qui n'existe pas encore, mais qui va pouvoir se développer sans qu'on sache forcément à l'avance ce que ça va être. Vieille distinction d'Aristote, là. Ah. Tu sors les vieux dossiers, là. En acte et en puissance, chez Aristote, donc en acte, ça signifie ce qui est actuellement le cas, ce que tu fais en ce moment, et en puissance, c'est... Quel est ton potentiel? Qu'est-ce que tu peux faire? Tout à fait. Et donc c'est de là d'où tu tires cette... Pas d'Aristote, non, mais de mes expériences rôlistes. D'accord. Donc en fait, la manière dont tu vas traiter ça, c'est un petit peu un scénario, c'est un catalogue de ce qui est en puissance, c'est ça? Non, pas vraiment. Ça pourrait éventuellement, mais moi ce qui m'intéresse, en fait, c'est d'avoir une préparation de partie qui ne soit pas une prévision de ce qui doit se passer, mais simplement des propositions de situations au sein desquelles les personnages vont les personnages vont devoir agir, ou en tout cas être fortement sollicités pour agir. Bon, il y a les exemples alors, de base qu'on connaît tous, c'est... Avant de rentrer dans les exemples de base, Fabien, tu voulais intervenir tout à l'heure. Ouais, moi justement, les exemples de base me plaisent bien parce que j'avais envie que tu nous parles de quelque chose un peu plus concret. C'est quoi un scénario Approche un petit peu le micro. C'est quoi un scénario dans lequel il y a les potentialités sont épanouies et sont mises en avant. Alors avant de rentrer peut-être dans les distinctions que tu as découvertes, Fred, et que tu essayes de mettre en place, il y a quelque chose qu'on trouve un petit peu à droite à gauche sur différents forums, c'est la distinction entre le scénario toboggan et le scénario bac à sable. Est-ce que tu pourrais d'abord toucher deux mots de ces deux distinctions qui existent communément, oui, avant de rentrer dans tes spécialités? Alors moi, c'est vrai que la première fois que j'ai entendu parler de ces distinctions, c'était par le monde du jeu vidéo. D'accord. Donc un créateur qui disait il y a deux types de scénarios, deux types de jeux vidéo, le jeu vidéo toboggan et le jeu vidéo bac à sable. D'accord. Le jeu vidéo toboggan, tout simplement, bon, on va l'adapter directement au jeu de rôle, ce sera plus simple. Ouais. Quand c'est toboggan, ça veut dire que finalement l'histoire est propulsée, voire souvent prévue à l'avance en fait. Le scénario, c'est plus un scénario. La préparation bac à sable, ça signifie on met en place un certain nombre d'éléments dans un espace et on laisse les joueurs se déplacer à l'intérieur de ce lieu et de découvrir les choses par ses propres déplacements, ses propres actes, ses propres choix. Bien. Alors typiquement, par exemple, dans le milieu du jeu vidéo, parce que bon, les rôlistes connaissent quand même massivement le milieu du jeu vidéo, Final Fantasy XIII, par exemple, le nouveau Final Fantasy développé récemment par Squaresoft, Square Enix, c'est donc toboggan. Un toboggan, clairement. Même certaines personnes parlent de couloir, c'est-à-dire qu'on défile, ouais, mais bon, c'est ce qui est valable au début du jeu, mais apparemment ça se développe un peu plus vers la fin. Alors qu'un scénario bac à sable, ce serait plutôt GTA. Voilà, exactement, ou Morrowind, Oblivion. Morrowind ou Oblivion, effectivement. Ou Sims, non, tous les Sims, c'est du bac à sable. Ah, attention, les Sims, c'est un délire de jeu très particulier. D'accord. C'est ce qu'on appelle du God Game, donc c'est encore autre chose. Voilà, parce que c'est vrai que le bac à sable, on va l'employer plutôt à partir du moment où il y a une aventure. Il y a quand même quelque chose qui se passe. Alors que dans les Sims, c'est plus tu contemples en fait les conséquences de tes choix en tant que dieu en fait. D'accord, bah c'est bien d'avoir fait la distinction. Ouais. Quel est le rapport avec le jeu de rôle là? Je suis un peu perdu avec les liens avec le. Ça marche, c'est-à-dire en fait Final Fantasy XIII, c'est un scénario toboggan dans la mesure où ton personnage, donc en fait quand tu appuies sur avant sur ta manette, ton personnage se déplace dans des décors, puis il y a des démos. J'entends bien. Ah, t'entends bien? C'est quoi alors? C'est le rapport avec notre discussion de scénarisation rôliste. C'est-à-dire qu'en fait la scénarisation rôliste, on entend souvent sur les forums, il y a deux types de scénarios. On peut écrire des scénarios toboggan et des scénarios bac à sable. Puis c'est vrai ça que... Je pense qu'en réalité il y en a beaucoup plus, mais ça donne déjà des extrêmes. Voilà, donc par exemple le scénario linéaire, on va voir donc un certain degré de mainmise du maître du jeu sur le déroulement de l'histoire qui peut être des fois extrême. Moi-même, d'accord, ça m'est arrivé, voilà, quand j'écrivais des scénarios qui pouvaient faire des fois 50 pages, ça m'arrivait des fois de prévoir chaque événement. Vraiment, en fait, de construire une histoire en me disant « les joueurs vont vivre l'histoire que je leur prépare ». Et je me suis heurté à beaucoup de problèmes en réalité, parce que à partir du moment où une autorité décide pour les joueurs, pas de problème, ils suivent ce qu'on leur demande. C'est le principe de soumission à l'autorité, si on peut parler de ça. C'est on est ensemble pour jouer une histoire. Moi, je vous propose quelque chose. Les joueurs disent on accepte de jouer ce que tu nous proposes. Donc, on va accepter que tu prévois ce qui va se passer pour nous. On est spectateur et puis de temps en temps, on a quand même un petit peu d'emprise sur l'histoire, ouais, mais c'est léger. Et le problème, c'est que à partir du moment où j'ai eu envie de créer des fois du mélodrame ou des choses comme ça dans mes histoires, ça marchait plus. D'accord. Ça marchait plus. Comment je pouvais déterminer que le personnage d'un joueur allait tomber amoureux? C'est complètement débile. Alors j'essayais de mettre des situations où finalement il se passait un peu de séduction et donc il pouvait éventuellement saisir la perche, mais si ça saisissait pas la perche, tout ce que je prévoyais en lien avec ça, ça passait à la trappe, quoi. D'accord. Et c'est souvent le problème même en fait de penser en termes de scénarisation, donc je dirais en reliant le travail de préparation que veut faire le maître de jeu ou le créateur du scénar que va utiliser le maître de jeu, c'est que si on prévoit, si on écrit ce qui doit se passer dans la partie comme on pourrait écrire un film, on va avoir tendance à réfléchir en termes d'imbrication de tout ce qui est présenté. Donc par exemple, scène 2, il va y avoir un personnage qui va entrer en scène, ouais, qui au départ va avoir peut-être peu d'importance pour l'histoire, et ce personnage, en fait, il va devoir, par exemple, s'approcher d'un DPJ pour lui glisser quelque chose dans la poche, et cette chose dans la poche, plus tard, ça va revenir. Et il va y avoir d'autres choses qu'on va planter à des endroits qui vont être liés aux scènes d'avant et aux scènes d'après. Ouais. Donc, si le joueur n'a pas envie de faire quelque chose que le joueur, dont le maître de jeu a absolument besoin, ouais, d'accord, et ben ça va le mettre en difficulté pour amener son histoire à terme. D'accord, très bien. Donc en fait, le scénario peut poser des soucis au maître de jeu, et au joueur, dans la mesure où le maître de jeu va être obligé de déterminer ses joueurs à faire telle ou telle action. Ouais, Christophe. Est-ce que c'est ce que tu nous as évoqué dans le dernier podcast sur le big model, qu'on appelle le problème avant le petit déjeuner, la chose impossible avant le petit déjeuner? Oui, oui, oui, tout à fait. Est-ce que je le répète éventuellement sur Oui, podcast, éventuellement, pour ceux qui n'auraient pas entendu le dernier podcast. Ouais. Peu. Donc le truc impossible avant le petit déj, c'est en fait quelque chose qui a été identifié par apparemment par Ron Edwards, si j'en crois mes sources. Ouais. Les sources sont assises sur ta gauche, je crois. Voilà. Et qui consiste en fait en une croyance assez répandue dans le milieu du jeu de rôle, qui est que le maître de jeu a le contrôle de l'histoire, pendant que les joueurs ont le contrôle des personnages principaux de cette histoire. Ce qui, d'un point de vue narratologique, est complètement aberrant, étant donné qu'une histoire est composée des actes des personnages principaux. Donc si quelqu'un a prévu une histoire, mais que les autres ont le personnage le contrôle des personnages principaux de cette histoire, ça semble quelque chose qui ne peut qu'amener à des conflits, en fait. Alors parfois ça se passe bien quand finalement les joueurs sont relativement gentils avec le MJ, voire dociles. Ouais. Excusez-moi le jugement de valeur, mais moi ce que je vois. Mais attends, c'est un truc de ouf ce que tu es en train de soulever là. C'est-à-dire qu'en fait, toi, quand tu continues à écrire des scénarios, Frédéric? Non. Ah bon? Et pourtant, il fait toujours du jeu de rôle. Oui. Alors là, je comprends pas. Donc, ça veut dire que tu es en train de nous dire que finalement, à chaque fois qu'un MJ prévoit des choses, c'est foutu, quoi. Il y a des choses qu'on peut prévoir de manière fertile pour la partie. Ouais. Et des choses, je pense qu'il vaut mieux éviter de prévoir. Ce que je vois, c'est que la plupart des parties, les clubs de jeux de rôle, par exemple, où je joue toujours, d'ailleurs, le club de jeu de rôle où je joue toujours, ouais, je vois souvent des MJ qui disent j'ai dû mettre mon scénario aux chiottes parce que les joueurs ne sont pas allés là où je prévoyais. Ah merde. Ou bien, quelqu'un a fait quelque chose de complètement, complètement absurde pendant la partie, et résultat, finalement, ils sont morts au milieu du scénar parce que... On a également des joueurs qui partent dans l'idée, tiens, je vais détruire le scénar du mec de jeu. Exactement. On peut dire aussi que d'une certaine façon, plus le maître de jeu va se positionner comme un tyran despotique, plus les joueurs vont être tentés d'adopter une des deux postures, celle de l'élève soumis ou celle de l'élève rebelle. D'accord. Alors que si on crée de manière véritablement collaborative tous ensemble et qu'on donne des responsabilités aux joueurs, à ce moment-là, ce positionnement disparaît. Ok. Quels sont les types de scénarisation que tu as repéré, Frédéric? Alors, en premier lieu, j'aimerais bien, je pense que Christophe peut m'aider à ce niveau-là, lister un certain nombre de propositions que Ron Edwards donne dans son article LNS et autres sujets de théorie rôliste. Christophe, ouais, alors, il t'a invoqué là, il a engagé ses manas. Mortel, que puis-je faire pour toi? T'as pas le manavoc, c'est bon, tu peux y aller. Créature 6-6, Christophe. Silent Drift. Ouais, donc dans cet article, il propose un certain nombre de techniques de préparation à la partie qu'il a constaté d'un point de vue historique dans les jeux qu'il a vus au cours de sa carrière. Ouais. Il propose la préparation de type aventure linéaire. Je pense que ça se... C'est l'idée de fournir une série de rencontres prévues de manière précise. C'est un peu le toboggan là, hein, chronologique. Ouais. Ouais, ça a l'air d'être le toboggan. Ça, c'est le toboggan. Il y a une variante de cela, c'est que on admet des ramifications à certains points. C'est-à-dire ? Par exemple, voilà, il y a une décision. Est-ce que vous allez accepter tel et tel PNJ dans le groupe ou pas ? Ouais. Si vous l'acceptez, alors vous passerez la porte de telle et telle ville sans souci parce qu'il connaît les gardes. Sinon, vous devrez passer par les égouts. Par D'accord. Exemple. Mais ensuite, une fois qu'on a pris cette décision, finalement, on continue sur un brin, en tout cas, en mode aventure linéaire. Jusqu'à D'accord. Ce alors, se justement, on peut parler de scénario en arborescence, en fait. Ouais. Alors ça, c'est très intéressant. Je pense quand je tu crois, dis ouais, ça, je pense quoi. Notamment à un jeu vidéo qui est sorti récemment qui s'appelle Heavy Rain, hein, dont on a un petit peu parlé avec Frédéric il y a quelques temps, et donc qui est justement, en fait, c'est un toboggan Heavy Rain, parce que lorsque tu fais des choix, c'est un toboggan à choix multiples. Voilà, c'est un toboggan à choix multiples. C'est un toboggan. C'est... avec... Mais en fait, au final, tu es obligé d'avancer dans une direction donnée. Il y a une certaine forme de linéarité. Si tu fais le choix A, tu vas dans la ramification A. Puis ensuite, dans la ramification A, t'as B et B prime. Si tu fais B, ça fait A. Non, B, c'est un, B. C'est un peu particulier quand même Heavy Rain, parce qu'il y a quand même un principe d'élasticité dans l'histoire, c'est-à-dire qu'en fait la plupart des choix que va faire le joueur vont créer une forme de statistique de direction de l'histoire. Donc si on prend beaucoup de choix qui vont vers A, et ben au final on va finir sur la fin A. Si on prend beaucoup de choix qui vont vers B, au final on arrivera plutôt D'accord. sur la fin B. Ouais. Et c'est fou comme le jeu vidéo est précieux, je trouve, dans le domaine du jeu de rôle à ce niveau-là. Enfin, au niveau des jeux. Précieux. Ben, la question se pose dans quel sens, en fait, historiquement, c'est allé ce genre de scénarisation. Souvent, les scénaristes de jeux vidéo sont en fait des rôlistes. Ouais. Si on regarde, c'est. Il y en a, ouais, il y en a. Il y en a pas mal, mais attention. Hein. Enfin, moi, je. Ouais. J'ai déjà souvent entendu. Ça fait des années que je milite dans le milieu pour. Mais bon. J'ai pas beaucoup de retours, donc je sais pas s'ils sont si rôlistes que ça. Ça dépend. Mais bon, en même temps, comment aurait-on fait autrement ? Est-ce que c'est pas nécessaire dans le jeu vidéo, vu les moyens techniques, de faire des. Bah écoute, ouais, c'est des vrai. Progression linéaire. Mais bon, ça, c'est, ouais. ça nous mène à d'autres considérations. Oui, peut-on arriver dans un jeu vidéo à des situations qu'on n'a pas prévues ? Ça me paraît difficile. Mais alors que dans le jeu, on peut essayer de revenir sur les différents. Ah non, un peu de jeux vidéo. Non, mais malgré tout, je trouve qu'il y a des relations entre les deux, puis qu'on le dit jamais. Alors, je suis content qu'on en parle un petit peu. Ouais, Christophe, on poursuit un petit peu ce que tu disais. Donc, ce que Frédéric disait sur le Heavy Rain, c'est ça ? Oui. Attention à ton micro. Que un certain nombre de choix mènent à telle fin. Ouais. Ça me mène à la technique appelée tous les chemins mènent à Rome. Ou en fait, la ville, pas le présentateur de ce podcast. Où en fait, on donne une situation de départ, on laisse les joueurs faire ce qu'ils veulent. Ouais. Et le maître de jeu s'arrange d'une manière ou d'une autre à arriver à une scène culminante, à ce qu'il avait. Grosse révélation ou la grosse baston de fin, et peu importe en fait ce qu'on fait entre deux. Comme la partie d'hier. Ce qui ne veut pas dire que le chemin qu'on a mené n'influence pas la fin, mais finalement que la fin est quelque part prévue, et que la question est comment on y arrive. D'accord. Ça a des avantages déjà, cette façon de faire. C'est qu'en réalité, ça peut souvent fonctionner comme un bac à sable, mais c'est pas forcément nécessaire. Mais avant ce point final, ouais. Eh bien les joueurs sont finalement totalement libres en fait. Voilà, ils peuvent partir dans toutes les directions, mais à un moment donné, il se passera quelque chose qui fait qu'ils seront tous redirigés vers. Et dans l'idéal, le maître de jeu incorpore ce qui s'est produit pendant l'histoire dans cette fin. Alors tous les chemins mènent à Rome, ça sous-entend l'idée que cet événement n'arriverait qu'à la fin finalement du scénario. Ouais, c'est vrai que c'est pas obligatoire, ça peut être des successions de tous les chemins mènent à Rome, c'est des voilà. successions de Rome quoi. Oui, tout à fait. D'accord. Bah, les successions de Rome, ça devient aventure linéaire finalement. Est-ce que c'est pas un truc, est-ce qu'on appelle pas ça un scénario en chapelet pour aider à visualiser? Alors, oui, enfin moi j'appelle ça. Alors ça, c'est toi qui a posé ce concept ou tu l'as chopé chez quelqu'un d'autre, Fred, le scénario en chapelet? Non, bah en fait j'avais fait des schémas que j'avais appelé schéma d'évolutivité narrative. Alors désolé pour les termes un peu. Oh le mec, comment il se la pète. C'est un tel. En même temps. Narrativiste. Bon, dans ces milieux, on a que ces mots-là en fait. Potentialité, virtualité, évolutivité, etc. Ouais. Donc, si on veut pouvoir parler la langue française sans inventer de nouveaux mots, on parle avec des termes un peu complexes. Quoi. C'est forcément. Donc, l'évolutivité narrative, c'est la question de qui décide du début de l'histoire, comment est-ce que cette histoire peut évoluer, mmh. et qui décide de la fin. D'accord. À partir de ce moment-là, on se retrouve avec des schémas. Des schémas qui sont, par exemple, quand on a une aventure linéaire, et ben c'est une ligne. C'est une ligne parce qu'au départ, le départ est prévu par le MJ, il n'y a qu'un point de départ possible. L'histoire est prévue par le MJ, il n'y en a qu'une possible. Donc là, les gens sont vraiment spectateurs, quoi. Oui. En fait. Hein. Oui, voilà. Et souvent, les choix qu'on leur donne dans ces cas de figure sont un peu illusoires. D'accord. Oh. Ou alors c'est juste pour faire. Pour faire joli, genre j'ai le droit de choisir le nom de mon personnage. Voilà, j'ai le droit de jouer un personnage bouffon, un personnage sérieux, ou un personnage qui ressemble à Han Solo, ou à Luke Skywalker. Christophe. Est-ce que ça épaissit pas la ligne, justement, entre les deux points prévus par le scénario? Alors, dans le sens où, bon, ben, que je fasse un roleplay comique avec Fabien, ou un roleplay tragique, grave, où je révèle mon âme torturée, etc. Ouais. Est-ce que ça épaissit pas cette ligne que tu conçois? Ça pourrait. Je pense que ça pourrait si on considère finalement que les actes qui amènent véritablement l'histoire à son devenir c'est incompréhensible. Bon. Oui. Si les conséquences finalement des actes des personnages construisent véritablement l'histoire, à ce moment-là. Non, parce qu'après ça peut se resserrer, je veux dire. Entre les deux points prévus. Oui, oui, mais si finalement les espaces de créativité que les joueurs peuvent occuper n'apportent rien à l'histoire, je suis pas sûr. Enfin, pour moi, ça épaissit pas véritablement la ligne. D'accord. Ce qui est important, c'est que les choix des joueurs puissent transformer l'histoire. Dans ces schémas en tout cas, hein. Et puis pour moi de manière générale aussi. Il faudra mettre un lien là vers tes schémas, je pense. Je pose la question parce que je ne vois pas la différence entre chapelet et linéaire finalement. Parce qu'on passe par des nœuds. Alors si je vais définir ce que j'entends par chapelet, c'est qu'en fait si il y a des bouts d'histoire prévus, et puis par moment, en fait, on peut laisser une certaine créativité aux joueurs. Si, sur la façon dont ils vont arriver, par exemple. Je prends un exemple tout con. Mmh. Soit tu décides que à un moment donné, tu vas croiser un personnage dans le bar de telle ville. Par exemple, Open Your Cat au Pôle Sud, par exemple. C'est un bar dans le sens. Tu décides que ce personnage-là, tu vas le rencontrer dans ce bar-là à 10h30. Là c'est linéaire parce que de toute façon forcément tu vas amener les joueurs à être là à 10h30 dans ce bar là. Par contre, si tu décides qu'ils vont rencontrer ce personnage là mais pas forcément dans le bar là, là du coup ça, c'est plus du chapelet parce que les actions des joueurs, mettons ils décident de se barrer, d'aller loin d'ici, bah, de toute façon ils vont le rencontrer mais à un autre endroit, tu vois, ça va, ça me convient. C'est fondamentalement pertinent parce que finalement ils sont obligés de le rencontrer. Oui. Ouais, mais c'est la plus linéaire. Qui s'épaissit et puis qui se referme sur la rencontre. D'accord. Oui, c'est ça, c'est un chapelet. C'est pour ça que c'est un chapelet. C'est bon. Ah oui, d'accord, oui. Après, il y a la forme du chapelet. Il y a d'autres façons en fait d'imaginer l'évolution de l'histoire. Ça peut très bien être une situation initiale qui entraîne. En fait, qui prend en compte les conséquences des choix des joueurs même, ouais. De manière imbriquée les unes aux autres. Je pense qu'on la retrouvera dans d'autres la sens. Liste des. Alors, reprenons un peu notre liste de Ron Edwards. Ouais, alors, si on suit sur la généalogie à partir de tous les chemins mènent à Rome. Approche un peu le micro, juste encore ouais. un petit peu. Voilà. On aurait la continuité intuitive. Oh là là, ouais. Bah, disons Ron Edwards. En fait, c'est le MJ qui. Intuitivement, à partir de ce que les joueurs proposent dès le début, les intérêts qu'ils manifestent, ce que leurs personnages font, des objectifs, voilà, qu'ils décident eux-mêmes, créer des crises ou des points d'intérêt en improvisation en fait pour les personnages. Ah d'accord. Donc c'est. Et en fait, ce qui change de Tous les chemins mènent à Rome, c'est que finalement la fin peut être ouverte à ce moment-là. Ouais. Puisqu'il crée. Mais bon, selon comment on. C'est excellent comment j'ai des exemples qui me viennent de parties qui me viennent en tête à chaque fois que tu lis un truc. Vas-y, n'hésite pas. C'est trop dur à expliquer, mais globalement des MJ par exemple souvent qui nous disent bah ouais non par contre j'aurais besoin de vos persos pour écrire le scénar parce que je sais pas ce que vous allez vouloir faire. Donc j'attends que vos persos soient créés de façon, avant d'écrire le scénar. Là, j'ai l'impression que la continuité narrative c'est quand même plus de l'impro. Continuité intuitive. Ouais. Pardon, oui. Non, c'est ça. Je pense que c'est une grande partie d'impro. Mais tu prends en compte l'objectif de tes futurs joueurs ou des joueurs pour écrire le scénar. Par exemple, typiquement, à la fin, dans ce genre de cas de figure, j'imagine qu'il va y avoir des gros débriefings. À la fin du scénar, le maître de jeu va demander à ses joueurs, alors, qu'est-ce que vous comptez faire après avoir fait ça? Parce que moi, j'en ai besoin pour écrire mon scénar demain. Ça va être un petit peu ça, non? Il y a quelque chose qui m'intéresse davantage dans cette technique de préparation. Ouais. En réalité, c'est que ça offre... déjà dans la création de personnages, finalement, on peut placer des sortes de petites graines qui vont germer, qui vont pousser, donner des choses qui peuvent être relativement inattendues. L'exemple type, c'est l'objectif. Un personnage qui a un objectif, c'est un personnage finalement dont on saura finalement toujours improviser les réactions. Surtout si en plus on connaît les motivations par rapport à cet objectif. Ouais. C'est-à-dire par exemple, je veux assassiner la reine. Pourquoi ? Parce que je suis jaloux de ses histoires d'amour, adultère, etc. Peu importe les motivations, il peut y en avoir plein. Ben, face à ce genre de choses, surtout si on peut avoir aussi un univers un petit peu créé avec un peu de matière, des PNJ, des lieux, etc. Et ben, je pense que dans ces cas de figure, l'improvisation peut être assez facile. Ça peut mener d'ailleurs à d'autres techniques après qui permettent de la faciliter encore plus, d'ajouter des rebondissements, des choses comme ça. Tu poursuis, Christophe ? Ouais, je veux bien. C'est génial, ça rythme en fait la discussion du coup, et c'est intéressant. Donc, une autre manière de retrouver cette préparation à partir des personnages, c'est ce que Ron appelle la maîtrise par bang. Un bang, c'est un événement qui va toucher un ou plusieurs personnages et qui va le forcer à prendre une décision importante. Bang. Moi, ça va forcer parce que tout simplement. J'aurais besoin d'un exemple. J'ai pas d'exemple typique qui me vient en tête. Une révélation sur tel et tel personnage. Typiquement, je joue Luke Skywalker. Ouais. Et le MJ me révèle qu'en fait, Darth Vader est mon père. Quoi ? non. Ben, pourquoi tu me l'as pas dit tout ça ? Du coup, qu'est-ce que je choisis ? Est-ce que je choisis de continuer à combattre ? Est-ce que si oui. Comment est-ce que je voudrais toujours le tuer ou est-ce que je voudrais peut-être l'emprisonner? Ouais. Est-ce que je chercherais à comprendre ses choix qui l'ont mené à devenir Darth Vader? Est-ce que tu vois, après cette révélation, je ne peux pas ne pas prendre une décision quelque part. D'accord. Je dois faire quelque chose par rapport à ça. D'accord. Et ça, ce sont des choses qu'un MJ peut préparer à l'avance, toute une série de bangs comme ça, de bam, vas-y prends une décision. Ouais. Et au fur et à mesure de la partie, selon que cela se révèle être pertinent ou pas, il pourra les insérer et les envoyer à la gueule des personnages. Ah, c'est... Ron parle même d'une cartouchière comme ça que le MJ porterait tac, il sort bang. Et puis il se peut très bien qu'à la fin de la partie, en fait, il n'ait pas utilisé toutes ses cartouches. Il les utilise un peu selon aussi après. Les choix, est-ce que deux personnages. J'aimerais vont... te poser une question personnelle, Christophe. Est-ce que Innommable, c'est pas un jeu typiquement comme ça? Non. Quelque part. Non, c'est un petit peu différent. Parce que je crée la situation. Pour nos auditeurs, Christophe a créé un jeu de rôle qui s'appelle Innommable, qui est un espèce de Cthulhu, d'horreur métaphysique en fait. et psychologique. Moi, c'est un peu ce que j'ai ressenti. Ouais, d'accord, mais je préfère finir peut-être. Excuse-moi. La généalogie, oui. Parce que justement, le dernier terme, la dernière technique dont parle Ron, ouais. Toujours dans cette approche historique, il ne dit pas que c'est exhaustif, il ne dit pas que c'est J'aimerais. Ouais, une fois que c'est exhaustif, voilà. Avant ça, on peut peut-être faire un tour de table sur le bang, ouais. Comme on l'a fait pour toutes les autres. D'accord. Est-ce que tu as des commentaires à faire sur cette technique, Fred ? Est-ce qu'elle te convient ? Moi, j'ai l'impression que c'est celle qui paraît la plus séduisante en tant que joueur. Il y en a d'autres qui sont intéressantes. Ce qui peut être compliqué dans la succession de bang, c'est qu'en fait, ça peut être des fois difficile d'envisager un bang futur. Ouais. Sans forcément savoir comment les joueurs vont réagir au bang précédent. Il y a sans doute des techniques, remarque, pour... Ouais, c'est la raison pour laquelle il dit créer une série à l'avance, tout en étant prêt à ne pas tous les mettre si la situation ne le permet pas quelque part. D'accord. Et on peut tout à fait improviser tout d'un coup avoir une idée. Ah, mais oui, bien sûr, si maintenant je lui dis qu'en plus... Leila et sa sœur cachées. Là, le gars, il va juste décéder. Ouais, je lui dis ça, bam. Qu'est-ce que ça se passe ? D'accord. Ok. Ouais. Ouais, d'accord. Ah, c'est vraiment intéressant. La dernière forme ? Pour la dernière forme, on appelle ça le diagramme de relation. Ici, le maître de jeu va préparer au préalable un réseau de PNJ essentiellement qui interagissent d'une certaine manière. Ouais. Par exemple, des liens de famille, des liens de romantiques, des liens d'affaires, de pouvoir, de conflits. Mmh. Ouais. Hop, il prépare ça, c'est une situation initiale. Et puis après, hop, allez, les PJ, allez vous balader allez là-dedans. Allez vous amuser. Ça, c'est très proche du bac à sable. Hein. C'est une manière de concevoir le bac à sable, j'imagine. Ouais. Ouais, tout à fait. Et donc, selon quel PJ va voir quel PNJ, il y aura une certaine interaction entre ceux-ci. Alors, est-ce que ça va avoir une répercussion sur les liens entre les PNJ ensuite ? Typiquement, s'il décide d'aider un PNJ à reconquérir son trône, parce qu'il a été usurpé. D'accord. Et à partir de là, le maître de jeu, finalement, lui, ne fait rien d'autre que de jouer ses PNJ quasiment à la manière de PJ. Ouais. C'est une genre de, là, on est dans une espèce de simulation en fait où en fait il y a plein d'autres PJ autour des PJ qui ont aussi leurs objectifs voilà. Et puis en fait et alors moi j'ai une question par rapport à ça, est-ce que c'est pas trop lourd à gérer en fait, enfin quand je me le représente un truc comme ça je sens qu'à préparer ça dépend de ton univers, ça dépend aussi de combien de personnages non joueurs tu mets dans ce diagramme. Et t'en mettrais. C'est clair que si t'en mets une centaine, tu t'en sortiras jamais. Oui, mais même 5. Dans Dogs in the Vineyard, dans lequel tu te balades dans un village, c'est un petit village. Dogs in the Vineyard, c'est exactement cela. Ouais. Mais non, c'est pour ça que je cite ce jeu, c'est parce que. Alors, c'est quoi Dogs in the Vineyard ? Dogs in the Vineyard, c'est un jeu dans un premier temps western. Ça se passe fin du 19e siècle dans le. L'Utah. Dans le Utah, merci. J'ai l'impression qu'on dit ça à tous les podcasts. C'est vrai. Hein. On joue en fait des membres d'une communauté qui ressemble fortement à la communauté des Mormons à l'époque. Ok. Bien que là, c'est une fiction, donc il y a une certaine prise de distance. Qui en fait propose comme rite de passage à l'âge adulte à des jeunes qui veulent s'y engager de subir une formation religieuse. Et ensuite de partir en mission, passer pas de village pas que en village. Religieuse d'ailleurs. Ouais, religieuse. Et ils apprennent à tirer à l'arme à feu. Toutes sortes de choses. Oui. Flinguer. Bon, c'est un ouais. Au nom de Dieu. Et effectivement, ils passent de village en village, et dans chaque village, ils vont rétablir la situation selon les préceptes de leur religion. Ouais. Un rôle du de juge des mœurs en fait. C'est une politique des mœurs, enfin, c'est une brigade des mœurs en fait, les chefs. Ouais, carrément. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que la religion telle que présentée dans la base n'offre pas de solution à une situation donnée. Ouais. Tout ça dépend de l'interprétation des personnages. Excellent. Et donc des joueurs derrière. Et le maître de jeu, lui, doit préparer... Chaque village constitue une aventure. Et en fait, il a une progression de péché. D'accord. Du plus anodin au plus compliqué, enfin plus obscur. Fierté, orgueil, péché. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a une préparation des relations qu'entretiennent les différents persos entre eux. C'est exactement ça, le diagramme de relation. Le diagramme de relation. Qui est structuré, lui, par degré de péché, qui victimise qui finalement, et à quoi cela mène. souvent il y aura une escalade. Par fierté, je te méprise et toi, t'es fâché, donc tu vas essayer de me voler quelque chose, par exemple. Ou ça peut aller jusqu'au meurtre, ou bien des fausses pratiques religieuses, etc. Ouais. J'aimerais donner un petit exemple tout simple. Ouais, comment on peut construire ce genre de diagramme de relation. Je parle d'ailleurs souvent de canevas. En fait, c'est à oui, la fin. Toi, dans tes théories, tu parles de canevas. Voilà, le canevas, c'est simplement une feuille. C'est ça, c'est ce. Pas tout à fait. Le canevas, c'est juste prendre une feuille. Ouais. Je note les noms des PNJ. Ouais. Éventuellement, si j'ai besoin des fois de lieux, de trucs comme ça, je peux les noter aussi sur, donc, sur ce canevas. Je fais des liens. Tu notes en vrac en fait le nom des PNJ. Et je les relis par des traits. Par exemple, machin et la sœur de Bidule. Je mets un trait entre les deux. Je peux noter sœur d'ailleurs. S'il y a une flèche, soeur, frère et sœur. Machin veut tuer Bidule. Hop, je fais une flèche entre machin et Bidule et j'écris veut tuer. Et comme ça, on a sur une feuille. Ouais. Bah, on a tout ce dont on a besoin, enfin les liens entre les différents éléments du diagramme de relation. Mmh. Voilà, et j'appelle ça un canevas parce que bon, au final ça fait. D'accord. Voilà. Fabien, tu voulais intervenir? Oui, moi j'avais une question. Micro. Fabien, t'es loin là. Ah pardon. Là, tu es éloigné de 2 mètres pour nos auditeurs au moins. Pas pardon. 3 pardon. Mètres peut-être. T'es à l'autre bout de la pièce. Excuse-moi. Oui, j'avais une question par rapport à la... Justement... Tu vas nous chanter une chanson, Christophe? Il se lève avec le micro, là, au milieu de la pièce. Non, je ne vais pas vous chanter de chanson. D'accord. Non, ma question, c'est comment, quand on fait un scénario sur où il y a beaucoup d'impro, comme ce que les trois dernières formes, grosso modo, que vous venez de présenter... Je crois que, d'après ce que vous m'avez dit, il faut pas que ce soit uniquement dû à la capacité d'impro de la personne meneur de jeu. C'est-à-dire qu'il faut qu'il existe aussi des outils pour aider à l'improvisation et que c'est pas uniquement un don du ciel. Je suis un grand improvisateur. Alors voilà, le jeu peut vous aider. Tu as tout à fait raison. Je vais prendre l'exemple de deux systèmes relativement légers. Le premier, ça va être le système basique, donc de Chaosium, que quasiment tout le monde connaît. Pourcentage. Voilà, et le deuxième, c'est The Pool, donc, dont on a déjà parlé d'ailleurs dans les podcasts précédents. Tiens, c'est aussi, tu l'as déjà fait cette blague-là. Je sais, mais je l'adore. J'entends The Pool, c'est... Donc, si on utilise le système basique, qu'est-ce qui va se produire? On va faire des jets de dés pour tester les réussites ou les échecs des actions. À partir du moment où, généralement, le maître de jeu estime que les actions en question ne peuvent rater. Voilà. Donc, après, ça varie en fonction des maîtres de jeu. Certains vont estimer qu'il ne faut tester que les actions véritablement difficiles. D'autres vont faire un jet de dés pour vérifier si on rate pas son crumble... son crumble aux prunes. Fumble pour un crumble. Dans The Pool, chose importante, on ne teste que on ne fait des jets de dés que s'il y a un conflit autour d'un enjeu. Donc on parle de but, je crois, dans les règles. Ouais, je sais plus. Ouais. Donc ça signifie que si je veux taper quelqu'un d'un coup de poing, il n'y a pas forcément besoin de faire de jets de dés. Par contre, si je veux véritablement le mettre hors d'état de nuire, dans ce cas, là, on va avoir un véritable enjeu. Un enjeu, c'est quoi? C'est qu'il y a quelque chose qui peut être gagné ou perdu. Et qu'on considère, bien entendu, que gagner ou perdre ces choses-là, ça va faire évoluer l'histoire, toujours de manière satisfaisante. Et si je peux me permettre, ouais. C'est carrément un conflit d'intérêt, en fait, ce que tu décris. Oui, tout à fait. Parce que si je veux mettre un point juste pour le style à quelqu'un, j'ai quand même à gagner ou à perdre un gros bleu. Un oui. Mais si ça fait partie juste de l'interaction entre les personnages, il n'y a pas vraiment de conflit d'intérêt peut-être. Oui, je pense que c'est intéressant comme... Ça c'est un problème aussi qui nécessiterait une énorme réflexion, c'est quand est-ce qu'il y a conflit. C'est un truc, ça c'est presque le thème d'un podcast encore. Ça dépend des jeux en fait. On va peut-être pas y répondre maintenant. On va peut-être pas y répondre maintenant. Cette distinction est intéressante. On parle de résolution de tâches et de résolution de conflits. D'accord. La résolution de tâches, c'est si par exemple t'as le barbare qui dit je tape sur la table pour la casser pour impressionner mes adversaires. Ouais. Tu fais un jet de dés qui rate, il va passer pour un con. Dans un jeu comme The Pool, on va quoi il passe parce que... un con ouais, parce qu'il a pas réussi à parce qu'il la table. Il s'est fait mal, il a tapé sur la table. Okay. Il, finalement, bon, bref, on voit jamais ça dans les films, sauf dans les films peut-être de parodie, quoi. Ouais, les films débiles, voilà. Mais ouais, récemment dans Watchmen, il y a une scène à mon avis. si jamais on statue sur le fait d'impressionner les adversaires. On peut très bien dire qu'il a quand même cassé la table, mais que les adversaires ne sont pas impressionnés. À ce moment-là, il ne passe pas pour un con. On a la possibilité de développer une histoire quand même. Et on ne s'arrête pas sur des détails qui peuvent parfois rendre les personnages ridicules. Enfin, moi, j'ai vu un nombre de parties incroyables où les personnages étaient ridicules. Tout simplement parce qu'ils n'arrivaient pas à faire des actes qui, d'un point de vue de la logique de la fiction, devraient être tout à fait réalisables sans forcément lancer ça, c'est un échec de tâche. En fait. Oui, et puis voilà. Parce que, un développement de ça, ce que je comprends d'après ce que tu dis, c'est que quand on est dans un développement par tâche, finalement, tout ce qu'on attend, on attend que le personnage réussisse. Parce que tant qu'il rate, l'action ne peut pas... D'autant plus si on est dans un scénario linéaire où on attend que ses joueurs soulèvent le tapis. Donc, on lance une fois, ça rate, le combat est un peu plus long, on relance. C'est un peu comme, il y a un épisode dans Naël Buck où le voleur écoute à travers une porte et puis, je n'entends rien. Alors, essaye encore. Ah, je n'entends toujours rien. Essaye encore. Oh, j'entends trois gardes en train de jouer au poker avec une bouteille de vin derrière la porte. Voilà, c'est énorme comme Naël Buck a stigmatisé plein de réflexes rôlistes. Ah, c'est certain. Il ouais. y a un autre truc important dans The Pool, c'est qu'en fait, ouais. Désolé. Bon. Il y a un autre truc très important, c'est qu'en fait, quand le joueur réussit, il a la possibilité de narrer le résultat de son du conflit. Donc un des gros intérêts de ça, c'est qu'en fait, ça peut lâcher un peu du lest, du côté du permettre au MJ de lâcher du lest, parce que quand le MJ doit toujours répondre à toutes les conséquences de toutes les actions, il y a des moments, des fois, où, enfin, moi, ça m'est arrivé. L'imagination, quoi, tout simplement. Ouais. Parfois, tu t'essouffles, quoi. Ouais, et puis, résultat, le coup de hache raté, il va taper le mur. C'est un truc que j'ai testé dans Monostatus. À partir du moment où tu laisses les gens raconter les joueurs raconter les réussites de leur personnage, non seulement ça t'épuise beaucoup moins, les parties sont vachement plus agréables quand t'es meneur, mais en plus tu les vois apporter des trucs absolument extraordinaires, ils enrichissent tout seul. Faites confiance en la créativité de vos joueurs. Et donc pour revenir à la question, la réponse que t'apportes finalement sur des exemples types d'outils de systèmes qui permettent de faciliter l'improvisation. Par exemple, si tu réussis ce jet de dés, tu vas nous raconter, donc improviser, l'issue de l'action. Oui. Ou bien, sur le premier exemple que... La différence entre la résolution de tâche ou la résolution de conflit. C'est-à-dire, si tu réussis... si le joueur réussit le jet de dés, on va raconter les conséquences de l'acte plus encore que l'acte lui-même. Oui, t'as raison Fabien, ça félicite l'improvisation, parce que dans la mesure où, en plus, ça fait moins de choses à improviser aussi pour le maître de jeu. On tire profit de tous les cerveaux autour de la table. Exactement. Et trois cerveaux valent mieux qu'un. Il y a souvent, beaucoup plus d'idées dans trois cerveaux que dans un. Ça c'est sûr. Donc, pour revenir quand même à l'aspect scénarisation, parce qu'on s'est un petit peu éloigné pour expliquer des distinctions entre conflit et tâche, mais malgré tout c'était quand même assez éclairant. J'ai envie de vous poser une question qui a peut-être pas de sens, mais quand même. Pour Monostatos, quel genre de... Comment est-ce que tu comment toi, Fabien, tu conseilles à ton MJ d'écrire ces scénarios? C'est quoi Monostatos? Monostatos, c'est un jeu de rôle que je suis en train de développer, qui est plutôt jeune puisqu'il a un petit peu plus d'un an et demi maintenant. Qui est un jeu de rôle héroïque et mystique dans lequel vous incarnez des héros avec un grand H, des rebelles à un dieu nihiliste qui rend l'univers laid, standardisé et triste. Ouais. Donc ça c'est pour l'univers, le jeu de rôle raconte. Ouais. Et pour répondre à ta question, Romaric, c'est exactement la question que je suis en train de me poser en ce moment. c'est-à-dire quelle forme doivent prendre les scénarios à Monostatos. Jusque-là, j'avais des scénarios assez relativement basiques, enfin, disons des scénarios en chapelet, en fait. C'est-à-dire que, voilà, il y a un lieu qui est un ancien temple perdu au milieu du désert, il y a des voyageurs qui sont à l'intérieur de ce temple, il arrive tout un tas de choses, il y a une femme qui accouche, il y a des prêtres de Monostatos qui se pointent. T'as envie de faire des spoilers, là, en fait, pour tous ceux qui n'ont jamais joué. Oui, mais non, c'est pas des spoilers. C'est ce qu'on appelle un teaser, c'est pas un spoiler. D'accord, ok. C'est pour donner envie. Et donc, alors, là-dedans, les grosses voix, c'est un teaser, bordel. Les joueurs. Les joueurs commencent à. Les joueurs donc peuvent faire plein de choses. Et sur ce scénario-là, j'ai vu des comportements très, très, très, très différents. Mais au bout d'un moment, à la fin, il faut quand même qu'ils aillent à la scène suivante. Donc là, hop, la perle du chapelet se referme et on va à un nouvel endroit qui sont des ruines plus loin. Ça s'ouvre et puis hop, ça se referme. Et bon, je ne suis pas très satisfait de ce fonctionnement-là pour le moment et je suis en train de me demander si je ne vais pas fonctionner. Voilà, je viens de découvrir le terme par continuité intuitive et un petit peu par bang. C'est-à-dire, comme les joueurs sont. Comme les personnages sont des personnages qui ont des buts très très marqués, qui ont une grande individualité, ça me semble tout à fait cohérent de dire, vous allez sûrement trouver d'excellentes raisons d'agir dans tel cadre. Et donc le meneur, en l'occurrence, va poser le cadre. Les joueurs vont décider de ce qu'ils font dans ce cadre. Et il y aura plein de choses pour les inviter à l'action. Et puis, de temps à autre, pour rendre leur recherche, les objectifs qui sont fixés un peu plus intéressants pour leur mettre des défis, pouf, le meneur va envoyer des bangs pour pimenter l'histoire. Et donc le meneur est simplement l'accompagnateur des joueurs et il leur permet d'améliorer encore l'histoire qu'ils construisent eux-mêmes. Alors Frédéric, j'ai envie de te poser une question qui va t'énerver. Vas-y, énerve-moi. Quel est le meilleur quel est le meilleur quelle est la meilleure manière on en a parlé de cette truc du meilleur et donc j'ai envie qu'il s'énerve. Donc quelle est finalement parmi celles que Christophe a présenté là, les différents types d'écriture de scénario, enfin les différentes manières de préparer des scénars, quelle est la meilleure Bordel de merde. Voilà, je suis énervé. J'ai pas vu. C'est effrayant de voir. Il vient de rejouer une scène de Nanarland en live en me balançant un petit crayon minable à la tête. Moi, ce que je pense, c'est vraiment que ça dépend du jeu. Ça dépend de... Il n'y a pas de meilleur dans l'absolu, quoi. Voilà. Alors, il y a des moins bons, quand même. Attention, il est en train de franchir. Je l'attendais, là. Allez, vas-y. Donc, je pense que les aventures linéaires, écrire un scénar en prévoyant les étapes à l'avance de manière chronologique, je pense que c'est pas une bonne solution, parce que ça contrarie tout simplement l'histoire de potentialité dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que les joueurs puissent prendre part à l'histoire. Comment est-ce que tu prépares un donjon pour Donjons et Dragons, si ce n'est de cette manière-là? Je ne prépare pas de donjon. Est-ce que tu sous-entends que c'est mal de jouer à Donjons et Dragons? Non, c'est un plaisir particulier. Ce podcast devient narrativiste, là, on commence à se poser des questions sur le bien et le mal. Non, je pense qu'il y a d'autres manières de jouer, d'ailleurs, ce genre d'histoire. Moi, ce que je ferais pour un donjon, c'est qu'en fait, je prévoirais... peut-être par exemple une description de l'entrée dans le lieu, et après je me démerderai pour qu'en fait la succession d'épreuves que vont affronter les joueurs ne soit pas forcément des espèces de labyrinthes avec des monstres placés à des endroits précis, etc. C'est de construire le donjon comme une espèce d'épreuve gigantesque avec des moments de pause, des choses comme ça. Non, mais là, je l'ai jamais fait. Nous créer un autre jeu. Je crée un jeu. Ce sur quoi je veux attirer l'attention, c'est que je pense que pour Donjons et Dragons, c'est tout à fait valable de créer une aventure, en tout cas linéaire, au moment où on est dans le donjon. D'accord. Parce que là, comme on expliquait dans l'autre podcast sur les démarches créatives, finalement, il nous faut des rencontres où on va blaster. pour mettre en avant notre capacité à bien gérer les combats, à prendre des risques. Tiens, est-ce que je fais pas un coup, je m'expose, mais si je réussis là, on raccourcit le combat de 2 rounds parce que du coup je sauve des points de vie à mes compagnons, etc. Et là, je pense pas que ça pose, que ça entrave quoi, en vérité la possibilité d'interagir dans cette démarche que d'avoir un scénario déjà préparé. D'accord. Ouais. La particularité du donjon, c'est faire attention à de quelle démarche on parle, c'est de ce qu'est-ce qu'on veut. C'est juste. Alors, Christophe, c'est ça que je veux. Tu voudrais continuer à répondre à la question. Ouais. Tu as dit quand même qu'il y en avait qui étaient moins pires que les autres. Oui. Alors, il y a une chose en fait, je pense, qui peut être intéressante par rapport pour sauvegarder la potentialité, c'est qu'en fait, j'avais fait une petite échelle. J'imaginais donc en quatre échelons. Attention à vos micros, les gars. Vous commencez. En quatre échelons, c'est-à-dire que l'échelon le plus haut, c'est les actes et les paroles et pensées des personnages, joueurs. Moi ça m'est arrivé, hein, voilà, je l'avoue, ça m'est arrivé de prévoir que un personnage devait fuir devant un monstre, qu'il devait. Frédéric Saint-Est. Voilà. Frédérigiste. Bon, en même temps, j'étais. On a tous nos petits secrets. J'ai été MJ à l'âge de 13 ans, j'ai fait des conneries de jeunesse, je n'assume pas. Allez, vous me ferez 3 pater et 2 Ave Maria. 3 pater et 2 Avers. Bon, arrêtez de stigmatiser. Voilà. et donc l'échelon en dessous, c'est de prévoir la solution pour résoudre les problèmes. Ouais. C'est-à-dire que si on a, si on prévoit à l'avance les solutions, ça pose quelque chose qui n'est pas forcément un problème, mais qui peut en être un, c'est que tant que les joueurs n'ont pas trouvé la solution, ils peuvent des fois tourner en rond pendant des heures. Mmh. Voilà, ça m'est arrivé aussi. Donc là, je parle vraiment d'expérience personnelle. Peut-être que d'autres, finalement, ont trouvé des solutions pour éviter ces problèmes-là. L'étape en dessous, c'est de prévoir des lieux obligatoires, des lieux de passage obligatoires. Parce que finalement, si on dit c'est un huis clos, ça se joue dans le manoir de Monsieur Briand à Saint-Malo, pas de problème. Par contre, si on dit il faut absolument aller à la montagne à l'est pour trouver l'Edelweiss dans la montagne, etc., on a tout simplement la possibilité que les joueurs passent complètement à côté, ne trouvent pas, ou n'aillent pas au bon endroit, ou décident de ne pas y aller, tout simplement parce que ça les fait chier. Ouais. Voilà. Et enfin, le dernier échelon, c'est finalement celui qui, à mon sens, respecte au mieux la liberté créative des joueurs en termes de développement de l'histoire. Ouais. C'est d'imaginer que tout ce qui va pouvoir être tout ce qui est important pour l'histoire à venir, en dehors bien sûr des choix des personnages, ouais, pourra se déplacer en fait. Et c'est pour ça que ça peut être créé par l'intermédiaire de personnages ou de révélations qui ne sont pas attribuées à des lieux précis ou à des objets précis ou à des indices, à des endroits précis, etc. C'est-à-dire, par exemple, je dis à tel moment ils sauront que Machine est la sœur du coupable. Je dis ça, mais je ne dis pas comment ils vont le découvrir. D'accord. Je sais juste qu'à un certain moment, et ça rejoint un peu la manière dont tu crées tes préparations pour Innommable, Christophe. Donc Innommable en 2 mots. Ouais, il faut peut-être présenter le jeu d'abord. Voilà, qu'on sache de quoi on parle. C'est essentiellement du Lovecraft déjanté. Du Lovecraft débridé. Ouais, du Lovecraft, mais qui sent pas le vieux grenier pourri, quoi. Est-ce qu'il y a, y a du Lovecraft qui est pas déjanté ? Déjanté dans le sens où les joueurs vont hurler, vont sauter dans tous les sens. Et ils y arrivent. Dégoûtés. Vont dire des choses absurdes. Et pas du Lovecraft où. C'est pas un jeu où on serait très sérieux, je pense, autour de la table. Pourquoi ? Alors. pour expliquer un peu ça. J'imagine les gars en train de sauter et de sautiller autour de la table. Non, mais moi j'ai régulièrement des joueurs qui se lèvent, qui font une incantation, qui commencent à parler dans des langues qu'ils ne connaissent pas. Le pire, sur Zen, c'est que ça marche son truc. C'est assez efficace. Tu peux pas prendre au sérieux dans un jeu comme ça. Enfin, peut-être on peut, mais. Moi je fais des parties très sérieuses. Bon, c'est vrai que. Où les joueurs se sont fait pipi dessus. Un tel homme. Non, désolé, je vais pas te stigmatiser. Bref. Donc. Et donc là, le maître de jeu. Bah, j'étais justement en train de regarder. Ces, parce que j'ai jamais réfléchi à ça de cette manière. J'étais en train de regarder les. Ces différents types de préparation qu'on avait évoqués. Ouais. Et finalement, très clairement, dans une première phase, je crois que c'est linéaire ou du moins. Le MJ a X indices à révéler. D'accord. Oh, c'est marrant ça. Polynomial sera du linéaire. En plus, les personnages sont en grande partie prédéfinis par le scénario auquel on va jouer. On va peut-être jouer des scientifiques dans la toundra qui doivent excaver une ancienne cité hyperboréenne. D'accord. Et donc, voilà. Donc les joueurs n'ont même pas choisi. Ils sont des personnages dans cette équipe d'archéologues. Bon, voilà. Et en plus, le MJ, il aurait préparé à l'avance. Je sais plus ce que je dis. 5 indices. Ouais. En mettant 5 gros indices qui expliquent, qui montrent qu'en fait, il y a quelque part des cultistes à l'œuvre, si je peux caricaturer. Des cultistes. Et bon. Après, chaque fois, je pense aux culturistes, puis j'imagine les mecs de Toulouse en train de se faire des muscles avec une bigorate. Et donc là. Bon, après, on peut prendre une certaine liberté dans l'ordre dans lequel on révèle les indices, mais voilà, les joueurs ils vont y passer, clairement. D'accord. Et en même temps, le jeu permet, en fait, aux joueurs de faire des rêves, d'avoir des prémonitions, d'avoir des hallucinations qui contrôlent eux-mêmes pour leur personnage, qui vont venir... Une grande liberté à ce niveau-là. Voilà, c'est-à-dire que c'est nous qui choisissons. Généralement, dans Cthulhu, quand on joue à un Cthulhu classique, c'est le maître de jeu qui raconte comment la folie se manifeste. C'est même pas le maître de jeu qui l'a choisi. D'ailleurs, il y a une table. Il y a des dés achetés. Et... Voilà. Alors que là, c'est le joueur qui décide de la folie qu'il interprète. En gros, il décide. D'où le fait que ça devienne complètement débridé aussi. Ouais, voilà. Donc ça devient une certaine. Il choisit une voie sur laquelle il engage son personnage afin de le foutre en l'air, quoi. Et de toute façon, on va crever dans Innommable. Il y a forte chance, ouais. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, comme dans toutes les parties de Cthulhu. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai un joueur qui a pris l'autoroute à contresens pour fuir la menace, quoi. Et donc, à ce moment-là, je dis au MJ, prenez note de ce qu'ils disent, les joueurs. D'accord. Et là, j'ai pas beaucoup réfléchi à ça. Il y a un très vague diagramme de relation dans le sens où il y a ces cultistes qui se tournent autour et qui sont en relation par rapport à une source maléfique. Si on reprend l'exemple de Lovecraft, c'est des cultistes de Yog-Sothoth, par exemple. Donc, c'est très, très, très minimaliste. Hein. Il y a éventuellement des victimes aussi ou un peu autour, des personnages secondaires. Mais c'est très peu prononcé. Et finalement, je pense que ça devient de la continuité intuitive, dans le sens où le maître de jeu est encouragé à reprendre ces révélations et les utiliser pour colorer le rituel que vont effectuer les cultistes. Parce que les cultistes n'ont pas encore commencé le rituel dans la deuxième phase du jeu. D'accord. Ils sont en train de se préparer et l'idée c'est que les personnages joueurs leur tombent dessus en plein milieu du rituel. Comme ça, ils s'en prennent plein la gueule, ils voient plein de trucs qu'ils auraient jamais dû voir. Voilà, c'est pas très profond. C'est pas très profond. Notez encore la référence subtile à Cthulhu. Il est trop fort, il est très fort ce Christophe. Bravo. Merci. Et donc à ce moment-là, il va colorer selon ce qu'ont apporté les joueurs. Et donc là, en fait, ça révèle les intérêts des joueurs, comme on disait, et il va les mener pour colorer la crise, sachant aussi colorer la crise. Oui, en ce moment, on a un gouvernement qui essaye de faire ça. Et une Coupe du Monde qui arrive. En fait, très expliqué. Là, il y a un outil pour aider à l'improvisation, vaguement. C'est que le maître de jeu, quand il réutilise un élément, il a le droit d'augmenter la difficulté des actions, en fait. Ah, d'accord. Et là, c'est une posture où le MJ est censé pourrir la face au personnage. Mmh. Ouais, donc, on est très agressif. Donc, ouais. Et donc, je donne des incitations au MJ. Il faut le dire, Innommable, c'est un jeu de rôle sadomasochiste. Ouais. Pardon à tes souhaits Sadomasochiste. Sadomasochiste, d'accord. J'avais compris sodomologiste. du point de vue du sens, j'avais à peu près compris l'idée, si tu veux. D'accord. Non, c'est pas un jeu sodomologiste. On ne parle pas de Sodome et Gomorre. Bon. Donc voilà, ça serait pour. Mais je sais non. Pas si ça répond à la question. Si, parce que tu montres en fait les choix scénaristes de manière d'écriture de scénario que tu fais. Tu les montres en lien dans ce que tu viens de dire avec l'univers, l'ambiance que tu essayes d'implanter avec le jeu, pas le message, parce que je sais que Frédéric va me taper sur les doigts si je dis ça, mais disons l'idée globale que le jeu encourage à suivre et c'est assez intéressant. Et ce qui est très important pour rejoindre ce qu'on disait dans le précédent podcast sur le système est important, c'est bon. Que, en l'occurrence, le système. Conditionne et est conditionné par la forme d'écriture de scénario. C'est-à-dire que l'un et l'autre sont très très très très fortement liés. Exactement, et ça, ouais. Ça c'est vrai pour Innommable, mais en réalité c'est vrai pour beaucoup presque tous les autres jeux de rôle. En réalité on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Ouais, c'est... Et donc par rapport à Innommable, c'était dans la version 7, je crois. Ce jeu est en développement pour les auditeurs. Oui, ouais, il est en développement. Ouais. Et donc, moi, j'avais écrit donc une. Il sera peut-être sorti quand le podcast paraîtra. La version 8 pourrait être disponible à l'heure où nous parlons. Ouais. Donc, j'avais écrit un synopsis de préparation dans lequel j'avais prévu un moment que il fallait aller dans telle pièce pour découvrir le gars qui avait disparu. Mm. Voilà, il était enfermé là. Problème. La première fois que je l'ai joué, cette partie, j'avais des joueurs qui tournaient autour et qui allaient jamais là-dedans. Et comme je m'étais préparé à cette description de la découverte du cadavre du gars qui a disparu et tout, j'avais un mal fou à me dire tout simplement, fous-le ailleurs, quoi. Comme les vieux travers sont. Alors que c'était tout con. Et d'où l'importance, en fait, d'adapter sa préparation. C'est-à-dire que si on dit juste ils vont découvrir le cadavre, et s'ils sont dans la forêt à ce moment-là, et le cadavre est dans la forêt. Si jamais ils sont. Et c'est parce que limité à un lieu précis, moi, dans mon expérience, j'ai vu des fois des joueurs passer 1h45 à chercher quelque chose qui était sous leur nez. Quoi. Ouais, non, c'est... Et c'est tout con. Et en plus, comme en tant que MJ, t'as qu'à dire bon, il est ailleurs, allez, je leur donne. Mais finalement. Le réflexe est moins évident parce qu'il y a aussi, je pense, une part un peu psychologique du MJ un peu machiavélique qui se dit « Ah, je vais leur faire la mise en scène de leur vie, ils vont souffrir, etc. » Et en fait, cette préparation psychologique à ces éléments préparés, je pense qu'elle joue fortement en la défaveur de l'impro libre, en fait. Si jamais on s'est trop dit que ça allait se passer comme ça et que ça se passe pas comme ça, ça nous déchire un peu de le faire différemment de ce qu'on a prévu. Alors, je pense qu'on a su à peu près dresser les différents plans d'écriture scénaristique. Maintenant, c'est à vous d'écrire vos propres scénars. Absolument, moi je voudrais remercier aussi Fred et Christophe. Ouais, carrément. J'ai aussi poussé à ce sujet pour le podcast parce que ça m'intéressait énormément. Ouais, puis en fait, t'as poussé au sujet puis t'étais resté à t'affaler sur cette espèce d'oreiller rouge. Pour Monastasos, mais j'avais les oreilles écoutées, j'étais en écoute active tout le temps. Donc voilà, merci, c'est génial. Moi je repars avec plein de bonnes choses dans la tête. Donc en fait, on a notre premier auditeur de ce podcast avec nous en fait aujourd'hui. Exactement, voilà. Éditeur en avant-première. Bon, donc voilà, c'est à vous maintenant d'écrire vos propres scénarios. Choisissez vos propres manières d'écrire en fonction, bien sûr, des choses que vous voulez défendre, des idées que vous voulez proposer et soumettre à vos joueurs et à vos futurs meneurs éventuellement. Si vous êtes créateur de jeu, d'ici là, à bientôt. Jouez bien. Au revoir. À bientôt. À bientôt tout le monde. Ciao.